Il y a 2 ans, une nouvelle mode est sortie web des États-Unis. Oui, et donc la voici. C'est une anime flash que les commerciaux appellent Trash Anime Yakugoju Uichi Pacemaker. C'est un avion en plastique qui chante avec Harry Potter et Pee-wee, la langue de l'anime Mutation. Mais quel genre de phrase peuvent-ils dire dans ces bizarres animes? Il y a cette phrase qui apparaît. Broken Pacemaker. TV says donuts are high in fat, Katsu. Found a hobo in my room. It's Princess Leia, the yodel of life. Give me my soda back while I play the guitar. Ils aiment dire gabunga. Now we can eat skittles. Et le pacemaker qui marche pas. Yakugoju Uichi, c'est un pur délire. Yakugoju Uichi de l'univers. Yakugoju Uichi, et ça on l'appelle Animutation Cantalo. Ça fait 2 ans que ça dure, les artistes sur Flash et puis sur Switch. Oui, ils l'ont tous repris. Mais une seule anime arrive à survivre. C'est une toute simple anime, Yakugoju Uichi Pacemaker. C'est un avion en plastique qui chante avec Olly Mockray, let's go, la langue de l'anime Mutation. Mais quel genre de phrase peuvent-ils dire dans ces bizarres animilia? Cette phrase qui apparaît. TV says, Donuts are hanging bad, Katsu. Found a hobo in my room. It's Princess Leia, the yodel of light. Give me my son back while I play the guitar. Il aime dire gabunga. C'est Nancy Serega et le pacemaker qui marche pas. Yakugoju Uichi, c'est un pur délire. Yakugoju Uichi de l'univers. Yakugoju Uichi, et ça on l'appelle Animutation Cantalo. À la télé, les beignets font grossir, Katsu. J'ai trouvé un hobo dans ma chambre. La princesse Leia est le yodel de la life. Rends-moi mon sweet où je joue de la guitare. Ils aiment dire gabunga. No, we can eat skittles. Et le pacemaker qui marche pas. Yakugoju Uichi, c'est un pur délire. Yakugoju Uichi, l'univers. Yakugoju Uichi, et ça on l'appelle Animutation Cantalo. Yakugoju Uichi, c'est un pur délire. Yakugoju Uichi, l'univers. Yakugoju Uichi, et ça on l'appelle Animutation Cantalo. Thank you so much, Nain. Oh.